Le 6 octobre dernier, le Japonais Takaaki Kajita et le Canadien Arthur MacDonald recevaient le prix Nobel de physique 2015 pour leur contribution aux travaux qui ont permis la découverte des oscillations de neutrinos, c'est-à-dire la capacité qu'ils ont de changer de nature et pour avoir démontré qu'ils ont une masse. Alors, pour faire toute la lumière sur cette découverte qui date de plus de 15 ans, je reçois l'astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval, Jean-René Roy. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, François. Alors, Jean-René, je le disais en introduction, ces deux chercheurs ont découvert que les neutrinos peuvent changer de nature en se déplaçant et que cette observation constitue la preuve même qu'ils sont pourvus d'une masse. Or, cette découverte va à l'encontre du modèle standard de la physique que l'on connaît depuis les années 70, parce que dans ce modèle, on considérait que les neutrinos n'avaient pas de masse et que, par conséquent, ils pouvaient voyager à la vitesse de la lumière. Alors, est-ce qu'on a affaire ici à une grande découverte? Quelle est la portée de cette découverte et qu'est-ce que ça va changer qu'on sache que les neutrinos ont une masse et qu'ils peuvent changer de nature? Est-ce qu'il va falloir réécrire les livres de physique? Question très ouverte, là. Non, je pense qu'on augmente le nombre de panneaux qu'on comprend mieux en physique. C'est un peu la première chose... Il y a plusieurs facteurs et je me rappelle toujours dans ce genre de découverte, c'est qu'on part de certains principes de base et on voit des éléments manquants. Et le meilleur exemple, historiquement, c'est celui du chimiste Mendeleïev qui a construit le tableau périodique au 19e siècle. Il avait pas tous les éléments. Et qui a laissé beaucoup de cases vides comme telles. Et avec le temps, parce que tout ça se tenait empiriquement et théoriquement. Et la physique actuelle fait face un peu à cette espèce de case vide à remplir. Et le neutrino a été une de ces particules que... Où la case correspondait à quelque chose qu'il devait y avoir. Le neutrino a été prédit par la théorie. Donc, c'est pas une surprise qui est arrivée un jour, là, qu'on s'en va quelque part et cet objet nous apparaît. C'est le grand physicien Wolfgang Pauli qui comprenait très bien les propriétés de la matière et qui a dit, quand on observait des réactions nucléaires ou des désintégrations radioactives d'éléments radioactifs, on voyait quelque chose, un neutron se désintégrait en un proton et un électron et avec une certaine énergie. Et il y avait quelque chose qui manquait toujours. Il dit, la somme de l'énergie à gauche et de la vitesse des éléments à gauche avant la réaction doit égaler avec ce qu'on additionne à droite. Et il manquait tout le temps. Une petite affaire. Et il savait que ça devait être quelque chose qui avait une charge électrique neutre. Parce que le neutron est neutre. Un électron, c'est négatif. Un proton, c'est positif. Les deux ensemble, c'est neutre. Donc, s'il y a quelque chose de plus, il doit être aussi neutre. C'est ça. Donc, la charge était conservée, c'est ça. Donc, et c'est pour ça qu'on a parlé, Enrico Fermi, dans les années 40, il a dit, je vais l'appeler le piccolo neutron. Donc, le petit. Et il lui a donné lui-même le nom de neutrino. On sait que l'univers est constitué d'atomes et qu'un atome, ben, c'est un noyau composé de protons puis de neutrons, comme tu viens de le dire, et autour duquel gravitent les électrons. Mais le neutrino, lui, en fait, c'est pas un constituant d'atomes. Il est libre, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un neutrino, en fait, et c'est quoi ses propriétés aussi? Le neutrino est une particule, une particule un peu résidue. J'utiliserais le mot déchet, entre guillemets, mais c'est pas péjoratif du tout. Le neutrino est produit, comme je viens de décrire, dans les réactions nucléaires. Donc, il est produit toutes les fois qu'on brise des noyaux ou qu'on fusionne des noyaux ensemble. C'est toujours un peu Le produit d'une réaction parce qu'on fait toujours des changements de neutrons à protons qui changent de nature et tout, etc. Et ça, tout le temps, ça fait sortir des neutrinos. Il y a toujours des neutrinos et en énorme quantité. Et tous les endroits où il se produit des réactions nucléaires, surtout des réactions de fusion en grand nombre, comme dans le centre des étoiles, dans le centre du Soleil, il va avoir une quantité colossale de résidus. À tel point, comme vous l'avez entendu, comme on l'a répété, que chaque instant, à chaque seconde, il y a des trillions de neutrinos provenant des réactions de fusion nucléaire au centre du Soleil qui nous arrivent, qui nous bombardent, et qu'en fait, auquel on reste indifférent parce qu'une autre propriété du neutrino, ce qui l'a rendu très difficile à détecter, c'est d'avoir très peu d'interaction à la matière. On dit que un neutrino pourrait passer un mur de plomb d'une année-lumière d'épaisseur sans aucune interaction. Okay. Mais vu qu'il y en a plusieurs, il y en a toujours quelques-uns qui interagissent, et c'était ce phénomène que Keijita et McDonald et leur équipe ont utilisé pour les détecter. OK. Et les neutrinos, en fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une particule qui n'est pas chargée. C'est ça, il n'y a pas de charge. Et sa masse, est-ce qu'elle est... La masse, on ne le sait pas exactement. OK. Mais là, est-ce qu'on a une approximation? Un millionième de celle de l'électron. Qui est déjà pas gros. C'est qui est déjà quelques milliers de fois plus faible que celle du proton et du neutron. Mais on n'a pas... Sa masse est très faible parce qu'on sait que le neutrino voyage quasiment à la vitesse de la lumière. Ah, donc ça implique que c'est une masse très faible. C'est une masse très faible. Et une des choses que pourquoi on dit que le neutrino de masse, c'est parce que s'il change de nature, ça veut dire que le neutrino a une échelle de temps. Ah ben oui. Donc, s'il a une échelle de temps, ça veut dire que le temps s'écoule pour le neutrino, ça veut dire qu'il a une masse. Le temps c'est s'écoule très, très lentement pour le neutrino. Mais il s'écoule. Il s'écoule et ça lui donne le temps de changer de nature. Et justement, en fait, l'objectif de la rencontre, en fait, de l'entrevue aujourd'hui, c'est de parler de ce changement-là. Mais hormis le changement, effectivement, est-ce que c'est une particule stable, le neutrino? Oui, absolument. OK. Sauf cette oscillation comme telle. Donc, il reste, moi, je dis toujours l'analogie, il part en tigre, il se transforme en panthère et puis ensuite en léopard, entre guillemets. Okay. Il joue entre les... Mais il va toujours rester dans cette nature de gros chat du point de vue subatomique. Et comme tu disais tout à l'heure, ce sont des particules que l'on retrouve en très grand nombre dans l'univers. Est-ce que c'est même pas celles qu'on retrouve en plus grand nombre? Non, les photons, qui sont les vestiges du Big Bang, ce sont des particules qui existent dans le plus grand nombre. Mais qui n'ont pas de masse, par contre. Ah non, aucune masse. Okay. Le photon est à la vitesse de la lumière. Mais il y a aussi un nombre colossal de neutrinos dans l'univers qui proviennent des réactions nucléaires au centre des multiples étoiles qu'il y a eu depuis le début de l'univers et qui se promènent dans l'univers. Mais aussi, on présume dans la théorie du Big Bang que quelques instants dans les premières minutes, il y a eu énormément de réactions nucléaires qui ont donné lieu aussi à une quantité colossale de neutrinos. Okay. Donc, la majeure partie des particules dans l'univers sont sans masse, les photons. La deuxième famille la plus nombreuse, ce sont les neutrinos avec une masse infime. OK. Et c'est quand même... En fait, c'est quand même... Ça défie l'imagination que ces particules-là soient quand même... en fait, interagissent peu avec la matière. C'est... En fait, les physiciens... Est-ce qu'on comprend pourquoi, en fait? Est-ce que c'est expliqué, ça? En fait, ce sont ce genre de choses. C'est pourquoi la vitesse de la lumière est de 300 000 km par seconde. On l'observe, et c'est ça. Et pourquoi les particules ont ce qu'on appelle une section efficace donnée. C'est-à-dire, vous pouvez imaginer, c'est comme ils ont une certaine grosseur. Donc, si vous êtes dans le trafic, plus vous êtes gros, plus votre section efficace est grande, plus les chances d'entrer en collision est grande. Donc, vous imaginez le neutrino non seulement comme ayant une très petite masse, mais une infime surface qui l'empêche, entre guillemets, de rentrer en collision avec quoi que ce soit, d'être capable de passer à travers tout. Puis en plus, il n'y a pas de particules électriques. Et donc, ensuite, il est neutre. Oui, c'est ça. Donc, il n'est pas attiré par des charges. Ouais. Et si on reconstitue un petit peu l'histoire, on sait que dès 1930, avant même qu'on découvre le neutrino, il y avait déjà... 56 qu'on l'a. C'est ça, oui, exactement. Il y avait des scientifiques qui avaient imaginé, en fait... Et émis des hypothèses sur son existence. Qu'est-ce qui avait vraiment permis à l'époque de déduire ça? En fait, tu l'as expliqué tout à l'heure. Oui, en fait, il y avait un déficit dans le budget des réactions nucléaires en termes de ce qu'il y avait avant, de ce qu'il y avait après. Donc, on faisait l'hypothèse qu'il y avait une particule neutre qui partait avec une quantité quand même assez considérable d'énergie. Okay. Donc, c'est ça. L'autre chose qu'il faut imaginer, c'est que les neutrinos emportent de l'énergie. Donc, finalement, c'est... Et un bilan de masse? Un bilan de masse aussi. Mais ça, c'était pas clair, parce que la masse était tellement faible, c'était vraiment des questions de quantité de mouvement et d'énergie. qu'une particule sans masse peut avoir, comme le photon, la particule de lumière, a une énergie, a une quantité de mouvement. Et le photon aussi ressemble au neutrino. Le photon n'a pas de charge électrique. C'est un fait. Non. Et comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, c'est en 1956 finalement que le neutrino a été détecté en laboratoire. Oui, donc, il a été détecté beaucoup plus longtemps après qu'on l'ait imaginé. Ouais. Là. Et c'est par une technique qu'on a introduit à ce moment-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est de finalement détecter le neutrino lorsqu'il entre en collision, on le dit, quand il y en a beaucoup. On s'est mis proche d'un réacteur nucléaire aux États-Unis, deux chercheurs, Corwin, et je me souviens plus du nom du second. Frédéric Rines, peut-être? Exactement. Qui, d'ailleurs, je pense, a eu un prix Nobel. Ils ont eu un prix Nobel. Oui. Il y a eu, je pense, c'est au moins le troisième prix Nobel pour les neutrinos. Donc, c'est quelque chose que les physiciens ne lâchent pas pour la mesure expérimentale, la première observation. Ensuite, des gens qui ont essayé de détecter les neutrinos solaires et qui les ont détectés, Raymond Davis, dans les années 60, a eu aussi un prix Nobel au début des années 2000. On peut y revenir à ça. En 2002, donc, allons au principe de détection ici. Oui. Donc, généralement, comment on fait la détection d'une particule comme celle-là? C'est qu'on la détecte par une traînée lumineuse qu'elle laisse lorsqu'elle interagit, par exemple, dans un liquide. OK. Et lors d'une collision. Donc, ça va faire une traînée, un peu comme une traînée de condensation, entre guillemets, mais dans ce cas-ci, c'est un flash lumineux. Okay. Un peu comme une étoile filante qui rentre dans l'atmosphère. Okay? Okay. Donc, sauf qu'ici, tout se fait extrêmement rapidement. Extrêmement rapidement, et le flash lumineux est infime. Oui, c'est ça. Donc, la détection, et il y a toutes sortes d'autres particules qui peuvent créer des flashs lumineux. Donc, faut comprendre la nature, la grosseur, la forme du flash lumineux très bien, ce qu'on est arrivé à bien établir au fil des années, et même de trouver que les différents types de neutrinos avaient des signatures différentes. Donc, il y a un neutrino électronique, je me souviens plus lequel, fait plus une espèce de flash lumineux puffy, là, et le neutrino muonique, par exemple, va faire plus un espèce de trait lumineux. Okay. Donc, on peut les caractériser. Ils ont leur signature. Ils ont leur signature. Et ça a été développé justement par les équipes japonaises et de McDonald à Sudbury Neutrino Observatory. Donc, en gros, parce qu'ils interagissent plus, il faut faire de gros volumes de liquide. On parle de à peu près. Dans le cas de McDonald's, parce qu'on a utilisé de l'eau lourde, on augmentait la probabilité que les neutrinos interagissent. On a utilisé 1000 tonnes de neutrinos une sphère d'acrylique. De 200 mètres. Non, pas si grosse que ça. Je me souviens pas, c'est quelques dizaines de mètres. Les Japonais ont une enceinte beaucoup plus grosse, avec de l'eau normale, très pure, légère. Donc, on a un milieu très transparent et on installe tout le tour de cette cuve des senseurs qui peuvent détecter des micro-flashs lumineux, d'infimes éclairs lumineux qu'on appelle des photomultiplicatrices. Okay. Donc, pour enregistrer les flashs. C'est un signal électrique. Et il y a une autre façon, maintenant, à une échelle encore plus colossale, à une structure, une installation que j'ai suivie quand je travaillais aux États-Unis, qui s'appelle Ice Cube. Et dans l'Antarctique, on a finalement la glace sous quelques dizaines de mètres, la glace de l'Antarctique est extrêmement transparente. Ah, OK. Donc, on a descendu dans des cylindres forés. On a descendu des chaînes de photomultiplicatrices du même type dans une espèce de volume qui fait à peu près 1 km³. Et on a commencé à observer là des neutrinos. Et là, on recherche des neutrinos qui ne viennent pas seulement du Soleil, mais des neutrinos qui peuvent venir de d'autres étoiles, en particulier quand les étoiles explosent en supernovae. Et ce sont des moments où, on le sait par une observation faite en 87, qu'il y a un pulse de neutrinos qui est envoyé et qui nous arrive. Et est-ce qu'il y a une différence entre ces neutrinos-là et ceux qui viennent du Soleil, par exemple? Il peut y avoir une différence dépendant de la température. L'énergie va être différente. Et d'ailleurs, parce qu'un neutrino, ça peut avoir une énergie Les neutrinos, donc, c'est une vitesse, quoi? Oui, c'est ça qui est fascinant. Les neutrinos vont changer légèrement de vitesse, mais ils se transforment, mais aussi, ils changent de masse. Ça, c'est fascinant. Donc, ce sont des phénomènes atomiques quantiques qui vont contre l'intuition. Et d'ailleurs, la raison qu'on a tant cherché à comprendre ce phénomène, c'est que quand Raymond Davies mis au point son système pour détecter des neutrinos provenant du Soleil, une prédiction qui avait été faite avec, oui, par un autre Italien, Bruno Pontecorvo, en 1946. Il dit, il y a beaucoup de réactions nucléaires dans le Soleil, ça devrait être une bonne source de neutrinos. Mais ça a pris 20 ans avant que quelqu'un s'attaque à ce problème. Et c'était quoi le problème? C'est qu'il y en avait... C'est que, d'abord, on a dit, si les modèles du, oui, Soleil qu'on fait avec les réactions fusion nucléaire, uh-huh, sont corrects, on devrait observer tant de neutrinos par seconde, okay, sachant que l'interaction est faible, mais on connaît beaucoup les propriétés de la matière, du liquide qu'on utilise. En fait, à l'époque, Raymond Davies utilisait des plus petits volumes, mais c'était du liquide que nos nettoyeurs utilisent. Là. OK. Du tétrachloroéthylène. Donc, il l'a fait pendant des années, et il observait toujours seulement le tiers des neutrinos prévus. OK. Et donc, la raison en était que... La raison, on dit, les gens disent, les modèles du Soleil fonctionnent pas. Uh-huh. On se trompe, on est dans les patates, uh-huh, avec l'astrophysique au centre du Soleil. Les gens disent, non, c'est impossible, si on change ça, faut tout refaire l'astrophysique. Les gens disaient aux physiciens, vous comprenez pas la nature des particules, le neutrino est plus bizarre que vous pensez. Et c'est là que certaines personnes sont arrivées avec l'hypothèse que le neutrino pourrait changer de nature, donc aurait une masse. Parce qu'au début, les gens, toutes les observations qu'on faisait, c'est que les neutrinos voyageaient à la vitesse de la lumière. Uh-huh. Et même encore, on n'est pas capable de faire la distinction. Et j'imagine qu'à cette époque-là, on ne savait même pas qu'il y avait trois sortes de neutrinos, qu'il n'y en avait exactement rien. Une sorte, ouais, en fait. Donc, c'est là que des gens sont arrivés, en comprenant mieux aussi la structure des particules, uh-huh, élémentaires. On s'est dit qu'il y avait cette possibilité-là. Ça a l'air curieux, contre-intuitif, uh-huh, comme je le disais. Donc, la possibilité, c'était que le Soleil émet tant de neutrinos électroniques, mais on en perd les deux tiers parce qu'en cours de route, sur nos 8 minutes-lumière, le deux tiers se transforme aux autres sortes de neutrinos. Okay. Donc, Davies ne pouvait détecter que les neutrinos électroniques, comme électroniques. Donc, le grand mérite de l'approche de McDonald et Kajita, c'était de dire, on va trouver aussi une façon de mesurer les neutrinos qui auraient cette autre nature, uh-huh, qu'on avait déjà mis en évidence. Et là, quand on a fait ces observations, rapidement, de 99 en 2001, en 2 ans, ils avaient accumulé suffisamment de statistiques, et là, il a fait la comptabilité de tous les neutrinos détectés dans la mine de Sudbury, ou le fameux détecteur que j'ai décrit tantôt, et là, on avait finalement un bilan qui correspondait au bilan prédit, et qui confirmait en fait, que les neutrinos changeaient de sorte en s'en venant vers nous. Et qui confirmait aussi le modèle du Soleil. Donc, ça se confirmait tout le monde est un peu est rentré chez eux bien content que ces modèles tenaient le coup. Parce qu'au fond, les modèles étaient établis à partir de la physique nucléaire qu'on avait établie en labo ici avec des accélérateurs, des réacteurs nucléaires, etc. Et même les expériences nucléaires d'explosion de bombes à hydrogène. Et en fait, dans les sources, c'est ça, on en a parlé aussi tout à l'heure, bon, on disait qu'il y avait les réactions nucléaires, les réacteurs nucléaires, les étoiles aussi sont des importantes, oui, sources. Le début de l'univers. Ah ben oui, le début de l'univers où il y a eu beaucoup de réactions nucléaires. Donc, mais est-ce qu'il y a moyen de distinguer ces neutrinos-là, oui, des autres? En fait, c'est le rêve de certains physiciens d'observer les neutrinos de l'origine de l'univers, ben oui, qui, comme la lumière fossile du début de l'univers, on observerait sous une espèce de fond diffus. Le grand problème, c'est que l'énergie des neutrinos a diminué énormément. Donc, ces neutrinos ont une énergie extrêmement faible. Et on ne sait pas comment les faire interagir avec la matière. Ah, OK. On a déjà des problèmes avec des neutrinos énergétiques, mais là, des neutrinos dont l'énergie aurait diminué avec l'expansion de l'univers. Comme un gaz qui se refroidit, les particules perdent leur énergie cinétique une à une, entre guillemets. Donc, c'est la même chose pour ce qui est contenu par l'univers. Uh-huh. Donc, c'est... parce que les signatures de neutrinos primordiaux seraient intéressantes pour d'abord confirmer certains des modèles, mais je ne crois pas que ce soit d'ici quelques générations de physiciens. Et j'ai aussi quelques autres questions. En fait, les neutrinos sont des particules élémentaires qui peuvent être, qui ne peuvent être subdivisées. Est-ce qu'on comprend aujourd'hui, 15 ans après ces découvertes-là, le mécanisme de mutation des neutrinos pour passer d'une sorte à une autre? Est-ce que c'est compris? Je ça? Pense, là, faudra faire appel à quelqu'un qui a plus d'expertise que moi en physique subatomique et en particules élémentaires. Mais d'après moi, il y a des modèles établis qui donnent une explication physique qui est consistante. Mais je présume un peu ce que je dis. Puis j'imagine qu'on ne sait pas encore non plus peut-être qu'est-ce qui déclenche le changement de type de neutrino. Ah, ça doit être sûrement quelque chose comme un phénomène quantique. C'est-à-dire qu'il y a des neutrinos qui partent de là-bas, puis qui arrivent ici. Puis, différents. C'est ça. Donc c'est purement aléatoire, sauf que lorsqu'on est grand nombre, des phénomènes aléatoires combinés ensemble vont donner des règles statistiques très précises, en fait. Okay. Parce qu'on, comme on lance des dés un certain nombre de fois, à chaque jet de dés, on n'a aucune idée de ce qui va sortir, mais si on fait 1 million de tirs de dés, on sait exactement combien de fois on va avoir 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis j'imagine non plus, en fait, des neutrinos, est-ce que ça peut aussi rétrograder vers leur état initial une fois qu'ils ont muté? Non, je pense, là aussi, c'est un domaine où je ne veux pas trop m'aventurer, mais je n'exclurais pas la possibilité que les neutrinos reviennent. C'est le tigre devienne la panthère, etc. Et tout. Mais une chose que je trouve fascinante quand je lisais sur le prix Nobel et j'ai un peu moi-même clarifié mes idées à propos de la nature du neutrino, de son importance, c'est de penser le futur de l'univers va finalement consister en uniquement des photons et des neutrinos. Ah bon? Quand tout aura disparu, parce que il va rester que ça. À la fin, on peut imaginer que les objets qui vont durer les plus longtemps dans l'univers, et là on parle de chiffres, là, de rester assis sur votre chaise, de l'ordre de 10 à la puissance 120 années. Donc 10, oh là là. 1 avec 120 zéros. Et on pense que c'est l'âge le plus avancé que des objets pourront garder leur nature. La matière, les protons, tout ça, ça serait plus désintégré, etc. et tout. Mais les photons, eux, n'oubliez pas, ils n'ont pas de temps. Les photons sont éternels, entre guillemets. Et les neutrinos, eux, sont presque éternels. Presque éternels. Mais le neutrino, c'est la cendre ultime. Donc, de tout. Et la dernière chose qui va se désintégrer et finir dans un pouf, ce sont les plus gros trous noirs. Ah. Donc, qui vont tranquillement, selon la théorie de rayonnement de Hawking sur les étoiles les trous noirs, ces objets-là vont disparaître aussi sur l'échelle de temps inimaginable que je vous ai décrite. Donc, et la chose qui va rester de ces poufs finaux de trous noirs massifs qui vont évaporer tranquillement, ça va être du rayonnement de lumière, entre guillemets, et des neutrinos, probablement. Okay. Donc, c'est tout deviendra neutrino, donc on peut se dire que nous finirons en neutrino. Et on sait aussi que dans l'univers, il y a plus de matière que d'antimatière. Ouais. On a déjà, en fait, pensé que ça pouvait peut-être en relation avec les neutrinos. Ça, donc, ça, c'est un sujet terminer. Complexe. Ouais. Mais le fait que le neutrino est on confirme que le neutrino a une masse par sa possibilité de mutation, c'est ça, qu'on décrit, ou d'oscillation, implique quelque chose qui va rentrer dans, entre guillemets, j'appellerais la chimie primitive de l'univers. Et les neutrinos seraient des interférences importantes qui permettraient, parce qu'à ce moment-là, les neutrinos, il y en avait énormément, ils interagissaient jusqu'à un certain niveau avec la matière, et le neutrino jouerait un rôle dans cette asymétrie qu'on a entre matière et antimatière au début, qui a fait en sorte que la majeure partie de ça s'est annihilée pour faire du rayonnement qu'on voit encore sous forme de lumière fossile et de neutrinos primordiaux, mais qui est resté cette petite imbalance, entre guillemets, de surplus qui était la matière qui a survécu et qui a donné lieu à la matière qu'on voit aujourd'hui autour de nous et qui nous constitue, c'est ça. Donc C'est à suivre. C'est je lisais moi-même un peu certains des articles qui sont complexes, mais on pourrait y revenir plus tard dans l'année sur tout ce sujet d'intrigue, là, de pourquoi il n'y a pas autant de matière que d'antimatière, alors que toutes les expériences qu'on fait dans les grands accélérateurs, toutes les réactions qui ont lieu de rayons cosmiques qui rentrent dans l'atmosphère, qui font des collisions, il y a toujours production égale de matière et d'antimatière. Ce qui est logique aussi, là, effectivement. Logique jusqu'à un certain point. Ouais. Ben, c'est tout le temps que nous avons, Jean-René Roy, mais merci quand même d'être venu nous raconter cette fabuleuse histoire à Futur Simple. Et je rappelle à nos auditeurs que vous êtes astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Pensez neutrino durant votre souper, ça. Alors, nous allons faire une courte pause publicitaire et musicale et on vous revient après avec Mélanie Jean qui va nous parler du déversement des eaux usées à Montréal. À tout de suite.